Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Il y avait, hier, à l'Assemblée générale du Centre civique du secteur de Dolbeau, c'était une année quand même très, très positive. On en parle avec le président Daniel Huard. Salut, Daniel. Salut. Daniel, évidemment, ça a été une année très, très positive cette année, au niveau de l'argent aussi. Là. Oui. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait par le groupe de bénévoles qu'on a au Centre civique. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent à tous les niveaux. Okay. Puis, le comité de finances, on a établi de nouvelles façons de fonctionner. Alors, on a eu des... les revenus de location de salles ont augmenté, les revenus de bingo ont augmenté, les revenus de bar ont augmenté. On a diminué un petit peu les coûts de les frais d'opération grâce à un groupe de bénévoles qui s'occupe des glaces avec des petites rémunérations. Ouais. Ensuite, beaucoup de bénévoles un petit peu partout. Là. C'est ce qui fait que... on a eu une année positive, puis l'année passée de 2018-2019. C'était ouais. Quand même, c'est ça qui a fait en sorte que la baraque, est, excusez-moi l'expression, mais qui était revirée de bord, hein, parce que c'était pas joyeux quand tu as pris ça. Là. Non, l'ancienne administration avait un déficit quand même assez considérable qu'on a refinancé et qu'on repère sur. On avait comme 12 ans, là, il nous reste 8 ans à payer. Là. Pour, okay. Éliminer une dette complète. Là. Et le bénévolat aussi, c'était la clé aussi. C'est la grosse clé. Il y a vraiment énormément de bénévolat, puis une excellente ambiance là, qui se passe au Centre des Jardins. Dis-moi, est-ce que c'est. Est-ce que du côté du curling, est-ce que ça c'est une belle année de ce côté-là? Oui, les gens de jour, ça va extrêmement bien. De soir, on a eu quelques nouvelles inscriptions. Okay. Ça se maintient, mais je pense qu'on s'en va sur une amélioration. Puis cette année, on va axer beaucoup sur au niveau des juniors, là, qu'on est en train d'organiser de nouvelles choses avec les juniors. On a rencontré les parents des juniors avec les juniors. Puis on est en train de trouver une formule où on va essayer d'augmenter le temps de jeu aussi qu'ils vont avoir, plus appuyer de plus en plus le junior. OK. Dis-moi, est-ce que tu joues au golf aussi? Est-ce que la guerre d'avoir des nouveaux membres, c'est-tu aussi important pour le Centre civique que ça l'est pour les clubs de golf? Oui, sûrement, oui. OK. Oui, généralement, est-ce que vous avez quand même, année après année, est-ce qu'il y a de nouveaux membres au niveau des memberships? Est-ce que ça stagne? C'est-tu problème? Comment ça va de ce côté-là? C'est pas mal stable. T'as des gens qui partent, des nouveaux qui arrivent, mais là, on a, mettons, comme les jeunes l'année passée, ben je parle de, mettons, dans la jeune trentaine, aux alentours de trentaine, on part ici depuis 2 ans, là, il appelle ça le Pierre et Bière, là. Okay. Puis, ça l'a amené de nouveaux jeunes qui s'inscrivent. L'année passée, on a eu, cette année, on sent qu'il y en a d'autres, on a entendu parler qu'il y en a d'autres qui vont s'inscrire. Okay. Donc, ça va probablement augmenter le membership de soir, là. OK. Et ça, c'est important aussi, là, de rajeunir. C'est-tu un peu pour ça que vous augmentez rajeunir votre clientèle, que vous axez beaucoup sur le junior? Oui, bien, à un moment donné, ça va prendre une relève. Parce que c'est ça, à un moment donné, on perd des gens tranquillement, mais ça va prendre la relève. Il faut que ça commence à se former. Puis, avec notre coordonnateur, Dave Lamontagne, on a fait venir des jeux de pierre de curling intérieur. Okay. On voit des fois, quand tu vas voir un tournoi à la télé, là, les jeunes qui s'amusent à l'intérieur. Fait qu'on a eu une subvention de ça, puis on a réussi à obtenir ça. Puis là, on va commencer peut-être une certaine éducation. Au lieu qu'ils tombent direct sur la glace, on pourra commencer, mettons, dans le gymnase, dans la grande salle. Là, alors, ouais. OK. Donc, c'est des jeunes aussi. Est-ce que vous travaillez avec les écoles aussi? Oui, c'est ça. Dave a fait des démarches là-dessus. Puis on a eu cette année plusieurs semaines des jeunes. On avait déjà du secondaire, mais là on a eu des jeunes du primaire. OK. Ah, fait que là, bon, mais il reste qu'il faut tout organiser pour que ça fonctionne aussi. Ouais. Ben oui. Dis-moi, du côté, on travaille sur quoi les différents programmes pour les prochains mois, les prochaines années? Est-ce qu'on s'attend du nouveau des nouveautés au Centre civique dans les prochaines années? Bien là, c'est ça. On est en train de cibler certaines choses qu'on veut faire au niveau de du bâtiment. Après ça, au niveau du curling, ajouter des choses, pour améliorer la performance, la façon de jouer au curling. On appelle ça des lasers, il y a différentes choses. Vu qu'on a eu un peu de surplus, cette année, on va réussir à investir au niveau de l'équipement de curling. OK. Ensuite, comme je te parlais des juniors, on va augmenter au niveau des juniors, l'aide qu'on peut faire aux juniors. En terminant, est-ce que hier, il y a eu de nouvelles personnes qui se sont joints au conseil d'administration? Oui, parce qu'il y en avait 4 qui terminaient, dont une par maladie, 3 qui terminaient. Okay. Il y en a un qui était déjà sur le conseil d'administration qui est revenu. Okay. Ensuite, on a eu 2 nouvelles personnes. Il en manque une, mais là, j'ai quelques nouvelles. Probablement qu'on va avoir 3 nouvelles personnes. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Ben, Daniel, Dont 2 femmes, mais c'est les bienvenus, là, parce qu'on avait beaucoup de femmes sur le CA, ça va bien faire. Ben, ça va bien faire pour les ligues de femmes et ainsi de suite aussi, là. C'est ça. OK. Ben, Daniel, félicitations pour votre excellent travail. Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bénévolat de fait pour renverser la vapeur. Merci beaucoup, au plaisir de se parler. C'est moi qui t'en remercie. Bonne journée. Le président du Centre civique du secteur de Dolbeau, Daniel.